Ouais. Là, j'écris mes derniers mots, mes derniers mots. Cher fiston, si tu lis cette lettre, que ces mots soient gravés dans ta mémoire. Des moments imprévisibles affectent la vie, ne sait pas. Si tu lis cette lettre, fils, que ces mots soient gravés dans ta mémoire. Des moments imprévisibles affectent la vie, ne sait pas. Parti sans laisser de trace de ma part, j'ai fermé la porte en silence. Laissant tomber quelques larmes sur le plancher, les mains liées, je suis parti avec ces hommes étrangers. En connaissant déjà les souffrances plus le danger dans lequel je m'y suis plongé moi-même. Et moi-même, je ne sais plus comment te dire je t'aime, fils. Mais du fond de mon cœur, j'entends ta voix me dire papa, papa, reviens. Du coup nos rêves se brisent. Il n'y aura jamais de retour pour le père qui a bercé ton enfance. Ensemble on a passé du bon temps. Désormais le vent souffle et donne une sale image du printemps. Sur cette feuille blanche je laisse glisser mon stylo. Si seulement tu savais que là j'écris mes derniers mots. Si tu peux me pardonner tout le mal que je t'ai fait. Tu as l'âge d'avoir des sentiments, de la haine, de la peine, de la rage, de l'amour. C'est ce que tu as pour moi mon enfant. Donc pardonne ton vieux papa qui a 60 ans. Si tu savais combien je souffre sans ta présence. Peu à peu mon corps se consume et j'assume. J'ai glissé une grosse somme d'argent sous ton lit. Fais en sorte de quitter ce pays. Nous sommes liés du zéro à l'infini. Invulnérable comme le feu. Quand j'ouvre les yeux chaque matin, je me rappelle de toi petit bambin. Tu es mon dernier contact avec le monde. L'espoir de te revoir se perd à chaque seconde. Même pas eu le temps de te faire un dernier bisou. Bientôt avec la mort j'ai rendez-vous. Rien d'inédit entre nous si ce n'est que loin du cœur, loin des yeux. La pénitence nous a rendus si malheureux. Pourtant jadis j'étais un homme heureux. Bref, sur ce je laisse glisser mon stylo. Et là tu dois te dire que c'est mes derniers mots. Pour moi tu faisais le bon et le mauvais temps. Mais en partant, ton visage d'enfant n'a jamais pris autant de place dans ma vie. Adieu, ton père qui t'aime.